Dialogue. Il faut repeindre le bateau. Écoutez. Quel est le pinceau que je dois prendre? Ça n'a pas d'importance. Tiens, voilà celui avec lequel j'ai commencé hier. Peux-tu me tenir le pot de peinture? D'accord. La manière dont tu t'y prends montre bien que tu ne peins pas souvent. Voyez-vous ça? Des remarques dont je ne vois pas très bien l'utilité. Fais donc attention, encore un endroit sur lequel tu n'as pas mis de peinture. Et alors, je mettrai une deuxième couche, quand ça sera sec? Oui, bien sûr, tu as toujours raison. Mais tu sais bien que si la peinture est mal mise, elle part tout de suite. Ça rouille et il faut repeindre entièrement le bateau. Si ça t'amuse, moi pas. Répétez. Quel est le pinceau que je dois prendre? Ça n'a pas d'importance. Tiens, voilà celui avec lequel j'ai commencé hier. Peux-tu me tenir le pot de peinture? D'accord. La manière dont tu t'y prends montre bien que tu ne peins pas souvent. Voyez-vous ça? Des remarques dont je ne vois pas très bien l'utilité. Fais donc attention, encore un endroit sur lequel tu n'as pas mis de peinture. Et alors, je mettrai une deuxième couche quand ça sera sec? Oui, bien sûr, tu as toujours raison. Mais tu sais bien que si la peinture est mal mise, elle part tout de suite. Ça rouille et il faut repeindre entièrement le bateau. Si ça t'amuse, moi pas.